Aristote, Poétique, traduction Batteux. Chapitre 1er. La poésie consiste dans l'imitation, moyens à l'aide desquels on imite, le rythme, la mélodie, la mesure. Je vais traiter de la poésie en elle-même, de ses espèces, de l'effet que doit produire chaque espèce, et de la manière dont les fables doivent être composées pour avoir la meilleure forme. J'examinerai quelle est la nature des parties et leur nombre. Enfin, je parlerai de tout ce qui a rapport à cet art, en commençant, selon l'ordre naturel, par les principes. L'épopée, la tragédie, le dithyrambe, la plupart des airs de flûte et de sitar, toutes ces espèces sont, en général, des imitations. Mais dans ces imitations, il y a trois différences. Les moyens avec lesquels on imite, l'objet qu'on imite et la manière dont on imite. Car, comme ceux qui imitent avec les couleurs et le trait, exécutent les uns par certaines règles de l'art, les autres par l'habitude seule, quelques-uns par la voix, de même, dans les espèces dont nous venons de parler et qui imitent avec le rythme, la parole et le chant, l'imitation se fait ou par un seul de ces moyens, ou par plusieurs ensembles. Par exemple, dans les airs de flûte ou de sitar, ou autres genres pareils, comme le chalumeau, il y a le chant et le rythme. Dans la danse, il y a le rythme et point de chant, car c'est par les rythmes figurés que les danseurs expriment les mœurs, les passions et les actions. Dans l'épopée, il n'y a que la parole, soit en prose, soit en vers. En vers, de plusieurs espèces, ou d'une seule, comme on a fait jusqu'ici. Car nous n'avons point d'autre nom générique pour désigner les mimes de Sophron, ou de Xénarque, les dialogues socratiques, ou les autres imitations qui seraient écrites en vers trimètres, ou élégiaques, ou autres. Il est bien vrai que, communément, on applique au vers seul l'idée qu'on a de la poésie, et qu'on appelle les poètes, les uns élégiaques, les autres héroïques, comme si c'était par le vers et non par l'imitation qu'ils fussent poètes. Que l'ouvrage soit sur la médecine ou sur la physique, on lui donne le même nom. Mais Homère et Empédocle n'ont rien de commun que le vers. Aussi, le premier est-il vraiment poète, et l'autre, un physicien plutôt qu'un poète. Et si quelqu'un s'avisait, comme Kérémon dans son Centaure, de mêler dans un poème des vers de toutes les espèces, mériterait-il le nom de poète? Conservons en conséquence notre distinction. Enfin, il y a des poésies qui emploient les trois moyens, c'est-à-dire le rythme, le chant, le vers, comme les dithyrambes, les gnomes, la tragédie, la comédie. Avec cette différence seulement que les dithyrambes et les gnomes les emploient tous trois ensemble dans toutes leurs parties, et que la tragédie et la comédie les emploient séparément dans leurs différentes parties. Telles sont les différences des arts quant aux moyens avec lesquels ils imitent.